L'Ancien Testament contient les livres inspirés écrits avant la venue de Jésus-Christ. Que contient le Nouveau Testament ? Le Nouveau Testament contient les livres inspirés écrits après la venue de Jésus-Christ. De quel nom appelle-t-on communément l'Écriture sainte ? L'Écriture sainte est appelée communément la Sainte Bible. Que veut dire le mot Bible ? Le mot Bible veut dire la collection des livres saints, le livre par excellence, le livre des livres, le livre inspiré de Dieu. Pourquoi l'Écriture sainte est-elle appelée le livre par excellence ? L'Écriture sainte est appelée le livre par excellence à cause de l'excellence des matières qu'elle traite et de l'auteur qui l'a inspirée. Ne peut-il pas y avoir d'erreur dans l'Écriture sainte ? Il ne peut y avoir aucune erreur dans l'Écriture sainte puisqu'en effet elle est inspirée de Dieu. L'auteur de toutes ses parties est Dieu lui-même. Cela n'empêche pas que dans les copies et les traductions qui en ont été faites, il ne puisse s'être glissé quelques fautes ou des copistes ou des traducteurs. Mais dans les éditions revues et approuvées par l'Église catholique, il ne peut y avoir d'erreur en ce qui regarde la foi ou la morale. La lecture de la Bible est-elle nécessaire à tous les chrétiens ? La lecture de la Bible n'est pas nécessaire à tous les chrétiens puisqu'ils sont instruits par l'Église. Cependant, elle est très utile et recommandée à tous. Peut-on lire quelques traductions que ce soit de la Bible en langue vulgaire ? On peut lire les traductions de la Bible en langue vulgaire qui sont reconnues fidèles par l'Église catholique et qui sont accompagnées d'explications approuvées par elle. Pourquoi ne peut-on lire que les traductions de la Bible approuvées par l'Église ? On ne peut lire que les traductions de la Bible approuvées par l'Église parce qu'elle seule est la légitime gardienne de la Bible. Par qui pouvons-nous connaître le vrai sens des Saintes Écritures ? Nous ne pouvons connaître le vrai sens des Saintes Écritures que par l'interprétation de l'Église, parce que seule elle est garantie d'erreur en cette interprétation. Que devrait faire un chrétien à qui une Bible serait offerte par un protestant ou un émissaire des protestants ? Un chrétien à qui une Bible serait offerte par un protestant ou un émissaire des protestants devrait la rejeter avec horreur parce qu'elle est interdite par l'Église. S'il l'avait reçue sans y faire attention, il devrait au plus tôt la jeter au feu ou la remettre à son curé. Pourquoi l'Église interdit-elle les Bibles protestantes ? L'Église interdit les Bibles protestantes parce que, ou bien elles sont altérées et contiennent des erreurs, ou bien, manquant de son approbation et de notes qui expliquent les sens obscurs, elles peuvent nuire à la foi. C'est pour cette raison encore que l'Église interdit même les traductions de la Sainte Écriture qu'elle a déjà approuvées, mais qui ont été réimprimées sans des explications approuvées par elle.